si terre que je respire. Si terre que je respire. Si terre. Je t'en besoin, je t'en besoin. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Quelle présence divine ce soir. Quelle présence divine. Oh, Arabashaka. Mi papa bashekita. Père, merci pour cette présence merveilleuse. Tu nous réjouis de ta présence et tu nous remplis de la joie. Tu essuies nos larmes. Tu transformes nos échecs en victoire. Nos craintes et nos peurs en assurance. Nos hontes en une force. Nos manques en des opportunités. Fais-nous grâce ce soir dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous disons Amen et nous acclamons pour le Seigneur. Oui, nous bénissons la présence. Vraiment, je sens une forte présence de Dieu ce soir. Nous allons continuer à parler de ce que nous avons commencé depuis dimanche. 1 Roi chapitre 3, verset 27, la technique. Soyez un peu prompt ce soir. Amen. Avec moi. 1 Roi chapitre 3, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Nous avons parlé depuis dimanche sur ce thème. Et mercredi, nous avons commencé à parler des points, des principes pour refuser la mort dans nos vies. Nous avons donné trois principes. Le premier principe, c'était l'innocence. Si tu es innocent dans une affaire, vers la Bible dit que toute malédiction sans cause et sans effet. Donc tu dois réclamer à Dieu comme cette femme: Seigneur, je ne suis pour rien dans la mort de son enfant. Le mien doit vivre. Le deuxième principe qu'on a vu, c'est nourrir les hommes de Dieu. Quand j'expliquais ça à un pasteur, il m'a dit: pasteur, tu as eu le courage de dire ça. Dit oui, il faut enseigner le peuple de Dieu. Nous avons vu le cas de la veuve de Sarepta. Parce qu'elle a nourri Élie. Quand le malheur est arrivé dans sa maison, elle ne pouvait pas accepter que Dieu, pour lequel elle a nourri l'homme de Dieu, accepte que son enfant puisse mourir. Dans la Bible, il dit quelque part, c'est Dieu qui dit: donne-moi tes arguments, défends-toi. Quand nous prions le Seigneur, nous avons des choses que nous disons au Seigneur. Ce n'est pas toujours le jour, Seigneur, donne-moi. Parfois, il faut dire: donne-moi pourquoi. Nous allons voir aujourd'hui certains points. Troisième principe: répondre à un besoin d'un homme de Dieu. Et c'est important en tant qu'église. Oh, bien-aimé, Wapendwa. Église. Kanisa. Si nous comprenons ces choses à la source féconde, kama tu tunaelewa vivito kwa chemchem la usao, il y a des choses qui vont changer. Kuna vitu vitabadirika. Parfois il ne faut pas attendre un appel. Apana kuchunga tu mwito. Souvent, je vois, on attend qu'on fasse l'appel. Non, bien aimé, Dieu peut te mettre à cœur, tu résous le problème. Mungu anapenda kuweka moyoni uchibie kutatizo. Et tu vas voir comment Dieu commence à travailler avec toi. Na utaona jinsi kani Mungu ataanza kutumika pamoja nawe. Les trois principes qu'on a vus le mercredi. Ni makanuni tatu tuliona mkazi tatu. Le quatrième principe. Na kanuni ya ine. Psaume 68, verset 6. Zaburi 68, mstari wake wa 6. Psaume 68, verset 6. Commençons par le verset 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Verset 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Amen. Le père des orphelins, Baba wa wayatima, le défenseur des veuves. Mpiganio hata wa wachane, ça signifie quoi? Inamaanisha nini? La position qu'on a par rapport à Dieu. Ni hali ambayo tunakuwa na kulinganisha Mungu. Quelle est ta position par rapport à Dieu? Ni alikani unakuwa nayo kwa ajili ya Mungu. Il y a des miracles. Kuna miujiza que Dieu donne seulement à certaines personnes qui ont certaines positions dans leur vie. Ile Mungu analetaka kwa watu wale wanakuwa fasi mafulani mu maisha zao. Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Luka 7 mstari wa 11 mpaka 17. Je vais donner un cas plus pratique. Tamileta kwa mfano ya ukweli. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Donc la Bible est en train de préciser les choses. Une veuve. Mouchane. Qui avait un fils unique, et l'enfant est mort. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait beaucoup de gens qui compatissaient. Mais qui ne pouvaient pas changer la situation de cette veuve. Parce que personne ne se comportait comme le défenseur de la veuve. Mais Dieu ce jour-là, Jésus ce jour-là, quand il arrive à Naïm, quand il rencontre ce cortège funèbre, il arrête le cortège pour donner la vie à cet enfant. Pourquoi? La position de cette mère a obligé Jésus à avoir pitié d'elle. Frères et sœurs, s'il y a des gens pour qui Dieu a pitié, ce sont les gens qui sont abandonnés des hommes. Ce sont des qui occupent certaines positions. Et on nous parle des veuves. On nous parle des orphelins. C'est marqué très bien dans la Bible. Toutes les fois qu'il y a une veuve, kila mara kutakuwa mchane, Dieu l'a défendu. Mungu anapasha kumpigania. Toutes les fois qu'il y a un orphelin, kila siku kutakuwa mchane, Dieu l'a défendu. Mungu aliweza kumpigania. Frères et sœurs, nduku na dada, il y a certaines choses, kuna vitu bingine, qu'on ne peut pas faire normalement. Atuwezi kubifanya kama kawaida. Et quand on occupe une position, wakati tunachukua kufasi mafulani, ta position, sehemu yako ile, apporte certaines chose de la part de Dieu. Et ici nous voyons qu'une veuve mchane avec son fils, pamoja na mtoto wake, Dieu est obligé d'intervenir. Mungu analazimisha pate kuingia msaada. Ça c'est le principe numéro 4. Inakuwa ni kanuni ya 4. Le principe numéro 5. Na kanuni ya 5. Luc chapitre 7 verset 1 à 5. Luka sura ya 7 mstari wa kwanza. Nous lisons parce que nous on doit prier. Tunasoma kwa sababu tutaomba. Luc chapitre 7. Luka sura ya 7 verset 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Verset suivant. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » C'est parmi les carats. Dieu dit, à qui je suis débiteur pour que je lui donne? Débiteur. Voilà, merci beaucoup. Nani me kwa nandenia ke tu ni muripe. A qui je suis débiteur pour que je lui donne. Et j'oblige que je puisse lui donner. Nani me kwa nandenia ke. A qui je suis débiteur. Mais ici, lakini hapa, les anciens vont suivre Jésus. Wazi walimwendea Yesu. Le centenaire dit, viens chez moi. Na ufanyagazi alikusema kucheni kwangu. Ils vont dire à Jésus. Wakamwambia Yesu. Il mérite. Anastahili. Que tu lui accordes cela. Il est prêt à confesser à lui. Comme pour dire à Jésus. Il est prêt à combien Jésus. Pour quoi l'endettement? Tu as sa dette. Il s'endette. Termine d'abord la dette. Où est de quoi que? Et vas-y chez lui. Jésus dit, mais pourquoi nous l'endettons? C'est ma Dieu en ligne mina quoi l'endettement? Car il aime notre nation. Kwa sababu anakwenda taifa yetu. Et celui qui a bâti notre synagogue. Ni yeye aliweza kujenga taikalu yetu. Frères et sœurs. Nuko na dada. Quand on parle de bâtir le temple de Dieu. Faze kuyenga ikalu ya Mungu. Souvent les gens hésitent. Wa mingi wanakuwa na shaka. Les gens ne comprennent pas. Watu wale watakiwa. Que les briques ici. Weko na ombe paka hapa. Que les briques. Ma tafali hii. Parle. Iko na sema. Lisez dans sophonie. Tusomeni msofoni. Les briques parlent. Ima tafali nasemaka. Non, seulement que les briques parlent. Najikujua kuyo mabriki nasemaka. Quand tu auras des problèmes. Ni wakati utakuwa na matatizo. Rappelle à Dieu. Unamkumbusha Mungu. Que comme ce centenier. Kama tu huyo mtu. Moi aussi. Mimi nami. J'ai bâti ton temple. Niliweza kujenga ikalu yako. Il y a des choses. Kuna vitu. Quand vous le faites dans la vie. Wakati mnabifanya ndani ya maisha. Bien aimé. Wapendwa. Quand un homme bâtit. Wakati mtu anajenga. Si c'est le premier qui bâtit sur l'avenue, on lui donne le nom. Kama ni wa kwanza anajenga mumutaba na mkaburia nchina. S'il bâtit dans la ville, on dit non, cette ville s'appelle Elizabethville. Kama wanamujengea mumuchi wanaanza kumuita ile nchina amuje. La ville est restée Elizabethville jusqu'à aujourd'hui. Na muchi na bakia mu ile nchina Elizabethville paka leo. Elizabethville d'abord c'est quelle ville? Lubumbashi. Likasi c'est quoi? Jadoville. Kinshasa c'est quoi? Léopoldville. Hein? Léopoldville. Léopoldville. Bandundu c'est quoi? Hein? Donc, je ne sais pas Bazungu. Il y avait seulement le nom de blanc. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Ils ont fait quelque chose. Ils sont restés dans l'histoire de la chose. Donc l'histoire de cette chose-là se confond avec le nom des hommes. Frères et sœurs, l'histoire de la source féconde doit se confondre avec ton nom. L'histoire des jolis sites. Et à 10, c'est joli. Il va se confondre avec ton nom. Il n'a pas chauffé dans la Chine, yako. Oh, bien aimé. Wapendwa. Mettons Dieu à l'épreuve. Tumweke Mungu mukipimo. Pour voir s'il ne va pas ouvrir les écluses du ciel. Na tuone kama zitafungua kwetu mbingu. Il a quelqu'un qui est malade au point de mourir. Kuna mtu anakuwa mukipimo kia kuweza atakufa. Il cherche une solution. Na weko natafuta jibu. Souvenez-vous que c'est un centenier. Mukumbukeni ilikuwa tu ni centenier. Donc c'est une autorité. A anakuwa tu ni mkubwa. Qui a des moyens. Anakuwa na mawezaji. Rappelez-vous d'Élisée. Kumbukeni Elisha. Devant cette veuve. Mbele ya mchana. Élisée lui demande. Elisha anamwambia. Veux-tu qu'on parle pour toi chez le roi? Unapenda tuende tuseme kwako kwa mfalme. Ou chez le chef de l'armée. Hata kwa mkubwa wa majeshi. Le chef de l'armée. Mkubwa wa majeshi. En quelque chose. Anakuwa na kitu kimoja. Et c'est ce qu'il demandait à cette veuve. Na ni kile alianza kuomba. Elle a dit non, non. Anasema hapana. J'habite au milieu de ton peuple. Mais ici le chef de l'armée vient voir Jésus. Il a essayé partout. Il n'a pas trouvé de solution. Il s'est rappelé quand même. Kumbuka ata. Que dans ma vie. Mu maisha yake, la synagogue ici on prie. Ekalu ambayo tunakuwa tukiombea ndani. J'avais participé. Niliweza nami kuchangisha. J'avais bâti la synagogue. Niliweza kuchenga ekalu. Il est parti voir Jésus. Alienda kumuona Yesu. Il dit Seigneur. Anamwambia Bwana. Viens. Kucha. Dans ma maison. Ndani ya nyumba yangu. Quelqu'un est en train de mourir. Mtu mmoja yuko nafariki. Il y a une foule qui accompagne Jésus. Kuna kwa kikosi kubwa kuna msindikiza Yesu. Les anciens vont voir Jésus. Na wazee wanamwendea Yesu. Ils lui disent laisse la foule. Wanamwambia acha hii makutano. Laisse la foule. Acha makutano. Occupe-toi de celui-là qui sait faire. Na wende ushughulikie ule aliyefanya kitu. Frères et sœurs. Nduku na dada. Laisse la foule. Acha makutano. Occupe-toi de lui. Ushughulikie na ule. Jésus a laissé la foule. Na Yesu aliacha makutano. Il est parti dans la maison de cet homme. Arienda munyumba ya ule mtu. Oh frères et sœurs. Nduku na dada. Il y a des moments. Kuna mawakati. Il faut faire des gestes qui étonnent. Inafadhali kufanya ko tutendo mwa fulani na kwa Dieu. Inamshutusha Mungu. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Tusiishi kama watu wote. C'est vrai sur la terre tout le monde. Ndio china udongo sisi wote. Même quand Jésus était là. Hata kama Yesu alikuwa hapa. Il y avait les cimetières. Kurikuwa makaburi. Il y avait des morgues. Kurikuwa ma mauti. Il y avait des hôpitaux. Kurikuwa ma hôpitalo. Vous avez entendu que Jésus est parti dans l'hôpital, il a guéri tout le monde. Murisikia Yesu kwenda kwa hôpitalo na kuponesha watu wote. Mujia wa kusoma hili. Ça fait déjà lu ça. Pourquoi? Juu ya nini? C'est lui la guérison. Ni yeye anakuwa matunzo. Nulle part. Hakuna tafasi moja. Alienda Mumpanda. Ile tale ya panda. Ba malari mote ba Mumpanda mimi na mitunza. No. Tule maladi moja shofugeri. Il faut faire quelque chose. Inafasali kufanya kitu kimoja. Pour avoir quelque chose. Tu as kupata kitu kimoja. On a rien. Hauna na kitu. Si on a rien fait. Na huwezi kufanya au kuweza kufanya kitu. Alléluia. Amina. On n'a rien. Hatuna kitu. Si on n'a rien fait. Pala tukuweza kufanya tous kitu. Tous les gens qui ont quelque chose. Watu wote wanakuwa na kitu kimoja. Ils ont fait quelque chose. Waliweza kufanya kutendo mafulani. On dit il a bâti notre synagogue. Bani sema aliweza kujenga ekalu yetu. Il aime notre nation. Anakuwa tu ni taifa letu. Et Jésus dit partons. Na Yesu anasema nendeni. Frères et sœurs. Nduku na dada. Non, le temps est arrivé. Wakati nimefika. Nous devons apprendre ces choses. Inapasha tudifunze vivitu. Nous devons apprendre ces choses. Inapasha tudifunze. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Yote kunapumzika na msifu Bwana. Je crois que le prophète Ezekiel avait bien expliqué ça. Minacho mnabii Ezekiel aliweza kufasiria vizuri hii. Les hommes respirent différemment de toutes les autres choses. Watu wako napumzika kwa chanisha na majani. Wanyama. L'homme il prend l'oxygène, c'est ça? Muto kuna chukua le CO2. Les autres ils prennent le CO2. Na wale wanachukua ile pepo. Ils rejettent l'oxygène. Na wanatosha ile pepo. Bon, ça on a étudié à l'école. Tuweza kujifunza vile shuleni. La terre a des oreilles. Udongo nao unakuwa na masikio. Les arbres ont des oreilles. Miti vile inakuwa na masikio. Fais quelque chose. Fanya kitu kimoja. Ce dimanche qui vient. Ijuma iko nakuja. C'est le premier dimanche du mois d'octobre. Itakuwa ni juma ya kwanza ya mwezi ya 10. Je lance déjà un appel. Tunafanya kwa mwito moja. Pour les gens qui vont participer à la construction de l'église. Wale watu watajiingiza na kwa majengo ya Mungu. Participer à la construction. Kujiingiza nani kwa majengo. C'est très important. Ni muhimu kabisa. Dans ta prière. Mu maombi yako. Seigneur. Bwana. Imalata c'est moi qui a amené. Le tol ici c'est moi qui a apporté. Je vous donne un secret Parce qu'au milieu de nous, il y aura des pasteurs, il y a des anciens, il y a des prophètes. Généralement, ce qu'on m'a appris à faire et ce que je fais aussi, quand quelqu'un a des problèmes, ou il est malade, parce que là, à Lubumbashi, il y a quelqu'un qui m'a mis à l'épreuve. Et qu'il vient te voir, tu pries pour lui. Et puis il fait un geste. Généralement, je prends cet argent pour lui. Je mets dans l'œuvre de Dieu. Parce que je connais les secrets. En mettant son argent dans l'œuvre de Dieu. Parfois je lui dis, parfois que je vais plonger dans l'œuvre. Parfois je ne lui dis pas, mais je dis que s'il y a un besoin de l'église, je dis que faites ça. Parce que je connais les secrets. Il a battu notre synagogue. Vous savez, il y a des choses que nous faisons, parfois on ne vous dit pas. Et j'observe toutes les personnes pour qui nous faisons ces choses. Je vois comment leur vie est en train de changer. Je vois comment les déblocages arrivent dans la vie. C'est un grand secret. Bâtir le temple de Dieu. Principe numéro 7. Luc chapitre 11, versets 1 à 2. Luka sura ya 11 mstari wa kwanza paka wa pili. Luc chapitre 11 verset 1 à 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur. Non, c'est Jean chapitre 11. Mettez c'est Jean chapitre 11. Yohano. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était. Enfin, la Bible parle bien. Quand nous lisons la Bible, elle parle très bien. Donc, Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et puis on dit, c'était cette Marie. Donc, on rappelle ce que Marie avait fait dans le passé. C'était cette Marie. Donc, quand vous cherchez les gens qui avaient oint de parfum le Seigneur et qui avaient essuyé les pieds avec les cheveux, c'était cette Marie. Donc on dit d'abord ce que Marie avait fait. Et puis on dit, et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous voyez un peu comment on dit les choses. Mon frère est malade. Ma mère est malade. Mon fils est malade. Mais on rappelle. Lakini bana kumbusha. Que c'était ce désiré là. Ilikuwa ni ule désiré. Qui avait fait ça pour Jésus. Aliweza kufanya hivi kwa ajili ya Yesu. Oh frère. Nduku. Vous voulez voir le miracle. Unapenda kuona miujiza. Vous voulez voir Dieu changer des choses. Unapenda kuona Mungu kubadilisha vitu. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Nini tunaweza kufanya kwa ajili ya Mungu? Lazare est malade. Lazare anakuwa mgonjwa. Ici on ne parle pas de Lazare. Hapo biko namzungumzia Lazare. On parle de la sœur du malade. Lakini banazungumzia dada yake huyo kwa mgonjwa. Frères et sœurs. Nduku na dada. Ce que tu fais. Ile kunafanya. Peut sauver ta maison. Inaweza kuokoa nyumba yako. Peut sauver ta femme, ton fils. Inaweza kuokoa bibi yako. Même ta sœur. Hata dada yako. Nous avons des frères en famille. Tunakuwa na banduku machama. Nous avons des sœurs en famille. Tunakuwa na badada machama. Parfois tu n'as pas l'argent à leur donner. Toto hauna ta pesa kumupa. Mais il y a des choses. Na kuna vitu. Que tu peux faire pour Jésus. Kile unaweza kufanya kwa ajili ya Yesu. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Nini ambayo unaweza kufanya? Elle a pris le parfum. Alichukua manukato. Elle a répandu. Aliweza kumwanga. Sur les pieds de Jésus. Kumiguu ya Yesu. Oh mais ça c'est terrible. Hii inakuwa ya mastaajabu. Quand tu marches dans le désert, wakati unatembea mchangwa, les pieds reçoivent beaucoup de poussière. Mikulu inashikaka vumbi mingi. Dans, à l'époque, ils n'avaient pas de chaussures fermées comme nous. Na mwakati zamani kukua viatu ya kufunga kama vyetu. Ils avaient des sandales. Barikuwa tuna viatu vya wazi. Des babouches. Barikuwa na mapapa. Donc les pieds étaient toujours couverts de poussière. Ni kusema miguu yabo ilikuwa ishakufunikwa na vumbi. Tout le monde voyait. Watu wote walikuwa naiona. Mais elle a vu différemment. Lakini yeye aliona namna nyingine. Elle a vu la poussière auprès de Jésus. Aliona vumbi kumikulu ya Yesu. Elle a dit, moi je vais l'enlever. Anasema mimi nitaiondoa. Mais je vais l'enlever. Na nitaiondoa. Pas comme tous les hommes peuvent enlever la poussière quand ils se lavent. Hapana kama wote wanaweza kuiondoa wakati wanajiosha. Je vais l'enlever. Nitaiondoa. Avec un parfum de prix. Pamoja na manukato ya bei. J'enlève la poussière. Nitatosha vumbi. Et j'enlève la mauvaise odeur. Na nitatosha harufu mbaya. Je fais deux choses. Tafanya vitu viwili. J'enlève la saleté. Natosha uchafu. Et je donne la bonne odeur. Kisha naleta harufu nzuri. Si tu es dans l'église. Kama uko ndani ya kanisa. Tu apprends faire quelque chose pour Dieu. Au yafanya kitu kimoja kwa Mungu. Enlever les mauvaises choses. Kutosha vitu vibaya. Frères et sœurs. Nduku na dada. C'est pourquoi dans l'église. Cho hivi ndani ya kanisa. Fuyez les gens qui parlent mal de l'église. Kimbieni wale wote kunazungumzia kanisa mbibaya. Et vous maudissez vous qui écoutez. Bekuna milaani nyinyi mko nasikia. Laissez les gens mourir avec leurs problèmes. Acheni watu wakufe na mambo zao. Ah okay. Ndivyo. Prions. Tuombeni. Pour que Dieu résolve. Ili Mungu afikiri. Yeye ni sote ni champion. Kuna wengine wanakuwa washujaa. Quelle est la preuve? Kionyesho ni nini? Je n'ai pas. Hakuna. J'ai entendu. Niliweza kusikia. Tu as entendu. Ulisikia. C'est comme ça. Ni hivi. C'est quoi? Ni nini? On ne sait pas. Atujue. Frères et sœurs. Nduku na dada. Vous allez voir des gens. Utaona watu. En train de sécher. Beko na kauka. Sécher. Beko na kauka. Tu es bon. Ce n'est pas si vous avez une cure à Dieu, vous pouvez vous faire. Non, non. Apana. Ça sèche. Ikona kauka. Ça sèche. Ikona kauka. Ça sèche. Ikona kauka. Ça sèche. Ikona kauka. Vous savez ce que Dieu fait? Mnachoe le Mungu anafanyaka. Tu ne vas pas mourir vite. Austa kufa kwa haraka. Tu dois rester sec. Unapasha kuwa mwenye kukauka. Pour voir comment Dieu donne la verdure. Na kuona vile Mungu analetaka huko kumeremeta. Nous devons enseigner ces choses. Sharti tufundishe vitu hivi. Nous devons enseigner ces choses. Tunapasha kufundisha vitu hivi. Je côtoie des musulmans. Mimi naendaga kuangalia kwa wale waislamu. Sina kuangalia, je côtoie. Na sumburiaka nao. La plupart des Somaliens, 90% sont des musulmans. Wengi wale wa Somalia wanakuwa Waislam. Disons 90% sont des musulmans. Wanakuwa Waislam. Vous n'allez jamais entendre ces gens parler en mal de musulmans. Amusta sikiaka ta siku moja wanazungumzia mibaya musulamu mwenjao. Plusieurs sont déjà partis à Dubaï, à Dar es Salaam. Wengi musha kwenda kwa Dubai, kwa Dar es Salaam. Donc, bon, ils ne parce qu'ils sont mais des chrétiens. Ils savent. Lakini wanajua, ils connaissent le secret. Wanajua siri. Vous savez, Dieu fonctionne avec des principes. Mungu anaendelea kana makanuni. Il fonctionne avec des principes. Et kunaendelea na makanuni. Les principes sont très intéressants. Makanuni na kwa ya mzuri kabisa. Ils ne tiennent pas compte du païen ou du chrétien. Aioneshe mpagano au mkristo. C'est pourquoi nous donnons les principes. Les principes sont des lois naturelles opposables à tout le monde et que dans les mêmes conditions elles produisent les mêmes résultats. Amen. C'est ça les principes. La dîme. Chekumi. Frères et sœurs. Nduku na dada. Ce n'est pas pour les chrétiens. Aina juu ya Kristo. La dîme c'est un principe. Chekumi inakuwa tu ni kanuni. Un païen. Mupagano qui donne sa dîme et qu'on a l'état chekumi yake en matière de dîme kwa kuweza tu kuona chekumi. Il bénéficie des bénédictions liées à la dîme. Ekona pata na ile mabaraka inambatana na chekumi. Un chrétien qui ne donne pas sa dîme. Mukristo ambaye shilete chekumi. Ne va pas bénéficier des bénédictions liées à sa dîme. Ashita pata ile mabaraka inambatana na chekumi. Malgré sa prière. Ingawa maombi yake. Pourquoi tu veux que Dieu protège ton travail? Jua nini unapenda Mungu achunge kwa kazi yako? Mungu anaona ngone ya munini. Et Dieu, qu'est-ce qui va en bénéficier? Non. Je connais même des gens na jua kata watu qui ne vont pas à l'église. Aba kuchake kanisa. J'avais un oncle Mirko na mchombangu qui n'allait pas à l'église. Ashikwanze kwenda kanisa. Mais qui a moyen chaque fois sa dîme chez le méthodiste. Arianza kutuma kila mara chekumi yako kwa méthodiste. Mais je l'ai vu devenir un grand homme d'affaires. Na nilimuona anakuwa mtu mkubwa kwenye biashara. Aux États-Unis. Kule kwa Tanzani. Il y a des gens qui signent dans leur société déjà à son salaire. On prend la dîme, on verse dans un compte. Kuna watu wanapiga saini kwa mshahara wao wanaweba chekumi wanapeleka. Et aujourd'hui tout le monde veut aller aux États-Unis. Na watu wanapenda wote kwenda kwa États-Unis. Non frère. Hapana ndugu. Donc le principe numéro 6. Kanuni ya sita. Marie a essuyé les pieds de Jésus. Miriamu aruweza kuondoa vumbi ya Yesu. Savoir servir le Seigneur. Kujua kutumikia. Savoir enlever les poussières dans l'église. Kujua kuondoa vumbi ndani ya kanisa. Et le principe numéro 7, on va s'arrêter par là pour prier. Na kanuni ya mwisho ya saba tutasimamia pa chokoma. Verset 3 toujours dans Jean chapitre 11. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Amen. Voici celui que tu aimes est malade. C'était suffisant. Regardez-moi la lettre. Une lettre de 4 phrases. En fait, c'est une seule phrase. Point. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. La phrase est simple. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Tazama mtu ambaye unapenda ni mgonjwa. Mumwambie paka vile Yesu. Lui dit tellement ça Jésus. Le reste, ingine, Jésus devait se débrouiller. Yesu anapasha kujishughulikia mwenyewe. C'est un vendredi de prière. Inakuwa ni kazi tano ya maombi. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Bien, mais je suis en train d'enseigner des choses. Wapendo niko nafundisha kwa vitu. Pour nous préparer à notre programme de Mulima 30. Juu ya kujitayarisha kwa matengenezo yetu ya Mulima 30. Je bénis le Seigneur, les orateurs qui viennent sont de très bons enseignants. Nabariki Bwana kwa sababu wahubiri wale kuna kucha ni wazuri kabisa. Hier j'ai parlé avec les deux derniers. Jana nilizungumza na wawili wa mwisho. Le pasteur David Katetsweba, il fait partie des orateurs. Il me posait certaines questions par rapport. Je sais qu'on aura des moments de prière. Najua tutakuwa na wakati ya maombi. Mais prépare-toi. Ujitayarishe mwenyewe. Pour que ce moment ne passe pas à côté. Ili ile mawakati sipite pembeni. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. C'est le premier vendredi de l'année. Inakuwa ni kazi tano ya mwaka. Nous avons dit ces principes, ça nous permet de chasser la mort. Tulisema makanuni hii inaturuhusu kufukuza lufu. Donc ce mois nous voulons chasser la mort. Imwezi tunapenda kufukuza lufu. La mort ne doit pas être dans nos maisons. Lufu alusta kwa manyumba yetu. Au milieu de nos enfants. Alusta kwa katikati ya watoto wetu. Dans nos vies. Ndani ya maisha yetu. Cette femme. Umwanamke. Quand elle a vu qu'on lui a donné la mort. Wakati aliona waleza kumupa lufu. Elle a dit au roi, je suis innocent. Arisema kwa mfalme mimi sina na makosa. Non, ça ne me convient pas. I ainyelekei mimi. Frère, il y a peut-être des cas de mort qui ont frappé ta vie. Zengine kuna kwa mambo ya lufu ruweza kupika kumaisha yako. On a déposé dans ton sein. Baruweza kuweka hata mkifua kiako. Mais ce soir il faut le refuser. Lakini jiona leo napasha kuikatala. Cette femme a dit non, non. Mwanamke alisema hapana. Non. Hapana. Cette mort non. Ilufu na ikatala. Et le roi lui a donné raison. Le roi lui a donné raison. Aujourd'hui, Dieu veut donner raison à quelques personnes. Leo Mungu anapenda kuleta sheria kwa watu wachache. Il veut donner raison à quelques personnes. Anapenda kuleta sheria kwa watu wachache. On a vu la veuve de Sarepta. Tuliona mchani wa Sarepta. Parce qu'elle a donné de la nourriture à l'homme de Dieu. Vile tu aliweza kuleta chakula kwa mtumishi wa Mungu. Bien aimé, si tu as déjà donné de la nourriture à un homme de Dieu. Mpendo kama shakuleta kwa chakula kwa mtumishi wa Mungu. Et que tu as un problème. Na unakuwa na tatizo. Tu as droit ce matin. Unakuwa na sheria ijioni. De trouver une solution. Et si tu veux, tu viendras, je vais prier pour toi. Kama unatamani, utakuja kumbele, utakumbea. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Kwa sababu Mungu ambaye tunakuwa tukitumikia ni mwaminifu. Troisième principe. Kanuni ya tatu. Savoir répondre à un besoin d'un homme de Dieu. Kujua kujibu kwa mahitaji ya mtumishi wa Mungu. Élisée, il passait toujours. Elisha alianza kupita tu. Il n'avait pas de maison. Asikukue na makao ya nyumba. Ce jour-là. Ile siku. On lui a donné une chambre, un lit et une table. Barimupa chumba na kitanda hata na meza. À cause de ça. Kwa ajili tu ya ile. Quand l'enfant est mort. Wakati mtoto aliweza kufariki. Il a dit Seigneur, pas question. Alisema Bwana haiwezekani. Cet enfant doit vivre. Huyu mtoto sharti aishi. Il doit vivre. Sharti aishi. Et l'enfant a vécu. Na mtoto aliweza kuishi. Il a vécu. Il a survécu. Aruweza atakuishi. Parce que Élisée a dit à Dieu non. Kwa sababu Elisha alisema na Mungu haiwezekani. Répondre à un besoin d'un homme de Dieu. Kujibu kuhitaji ya mtumishi wa Mungu. C'est quelque chose qui peut éloigner la mort de ta vie. Ni kitu kimoja kinaweza kutosha lufu maisha yako. La mort de ta vie. Lufu la maisha yako. Frères et sœurs. Nduku na dada. Sachez soutenir les hommes de Dieu. Tujue kutunga kwa watumishi wa Mungu. Moïse, je me rappelle de ce verset dans Exode 17. Nakumbuka mkutoka 17. Il avait Aaron et Hur. Musa alikuwa na Aaron na Hur. La victoire ce n'était pas parce que Josué était au front. Ushindi haina juu Joshua alikuwa kule kwa makao ya vita. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la victoire parce qu'ils sont au front. Watu wengi wanafikiria kasema ushindi ni kule kwa vita. La victoire était quelque part dans la cachette. Lakini ushindi ulikuwa fasi moja kufichama. Quand Moïse élevait les mains. Wakati Musa alikuwa kinyosha mkono wake. Ils avaient la victoire. Walikuwa na ushindi. Quand il baissait les mains. Wakati alikuwa kishusha mikono. Ils avaient la défaite. Walikuwa watu washipongo. Aaron et Hur ont compris. Arona huru aliweza kuelewa. Soutenir les hommes de Dieu. Asema inapasha tumtilie nguvu watumishi wa Mungu. Soutenons les hommes de Dieu. Tuwatilie nguvu watumishi wa Mungu. Soutenez les hommes de Dieu. Tuwasaidie watumishi wa Mungu. Frères et sœurs. Wapendwa. La bénédiction on la recherche. On la recherche. Wanaitafutaka. Soutenez les hommes de Dieu. Tusaidie watumishi wa Mungu. Soutenez les hommes de Dieu. Tusaidie watumishi wa Mungu. Regardez quel est le besoin du pasteur Désiré. Tutazame ni nini tâche ya mchungaji Désiré. Je vais parler de moi-même. Quel est son besoin? Itaji yake ni nini? Non, moi je peux régler ça. Ninaweza kujibia kwa hii. Tu viens, tu règles ça. Unakuja na unajibia kwa ile. Moi aussi à mon niveau. Yeye naye kwa upande wake. Je regarde mes supérieurs. Niko natazama hata wa juu. Quel est le besoin? Itaji ni nini? Des hommes de Dieu. Ya watumishi wa Mungu. Des gens qui servent le Seigneur. Watu wanakuwa tumtumikia Bwana. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Je le fais aussi. Na yafanya pia. Je vais dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Tasema kitu kimoja kila mmoja mjui. Il y a deux personnes je pense qui connaissent ou trois personnes dans l'église. Kuna watu watatu ndani ya kanisa. Ça fait quelques années. Inafanya miaka ma fulani. Moi j'ai pris l'option, ce n'est pas la 45e. Aina 45e. Il y a quatre veuves. Kuna kwa wajane wa nne. Quatre. Wajane wa nne. Pour qui nous prenons soin tous les mois. Kwa wale tunakuwa tukijishughulikia kila miezi. Quatre. Wa ine. Parce que nous cherchons. Pendant que vous cherchez, moi aussi je cherche. Wakati nyinyi mko natafuta naye pia anakuwa akitafuta. Pour moi et pour l'église. Kwa ajili yake na kwa ajili ya kanisa. En dehors de ce que nous faisons à la prison. Kinyume ya ile tunakuwa tukifanya kwenye magereza. Il y en a quatre. Kuko wa ine. Très avancé en âge. Basha kusonga sana katika umri. Mais je dis, Seigneur, on fait ça. C'est ma bonne tafanya hivi. Un jour, il y a une. Siku moja kulikuwa mmoja qui m'a vu. Aliweza kuniona. Il dit, pasteur Désiré. Anasema mchungaji Desire. Il y a des choses que j'aimerais dire à mon Seigneur. J'ai enfanté beaucoup d'enfants dans la foi. Même ma mère aussi a enfanté beaucoup d'enfants dans la foi. Mais moi, je n'ai pas encore. Et moi, je manque quoi dire? Que mon Dieu à moi. Mungu wangu, que mon Dieu à moi, akukumbuke tu, qui se souvient de toi seulement, akubariki tu, qui te bénit seulement. Frères et sœurs, wapendwa, il y a des choses. Kuna vitu, ce n'est pas la prière. Aina maombi. Tu fais, una fan, tu suscites une prière compliquée chez quelqu'un. Una lamusha kumaombi moya nguvu kwa mtu. Et tu mets Dieu dans une position compliquée. Na namweka Mungu mkipimo kia nguvu kabisa. Pendant que je vous donne des témoignages comme ça. Wakati niko na mipa yushuda. C'est pour vous dire non, moi aussi. Nicho kumeambia mimi pia. Il y en a qui font, faites encore. Sema kuna wale kunafanya wafanye zaidi. Il y en a qui font, faites-le. Kuna wale wayafanya waifanye tena. Quatrième principe. Kanuni ya ine. La position dans la vie. Tu es veuve. Tu es orphelin. Tu es dans une bonne position. C'est pourquoi quand j'entends une veuve qui se plaint, je comprends que non. A situé Biblia. Vous savez, on ne connaît pas encore la Bible. Il prie et puis il se lamente. Tu es... Non. Nous la apana. Le défenseur, il est là. Ouf. Il est là le défenseur. Il est là le défenseur. Il est là le défenseur. C'est important. Cinquième principe. Bâtir la maison de Dieu. Frères et sœurs. Rendez-vous dimanche. Nous voulons faire quelque chose d'extraordinaire dimanche. Tu peux vendre ta maison pour qu'on bâtisse la maison de Dieu. Vends tes habits pour qu'on bâtisse la maison de Dieu. Les habits aujourd'hui, ça se trouve. Comme nous là, tu pars assis dans un kiapo. Mais et la maison de Dieu. Et nyumba ya Mungu. Mets Dieu à l'épreuve. Umweke Mungu mkipimo. Mets Dieu à l'épreuve. Umweke Mungu mkipimo. David. Daudi. N'était pas un roi parfait. Asikukwe mfalme mzuri. Non, parfait. Wasipokosa. Mais David faisait des choses. Lakini Daudi aranza kufanya vitu. Qui bougeait Dieu. Il aranza kumutingiza Mungu. Il se réveille. Analamuka. Il dit que moi. Anasema mie. Je ne vais pas dormir dans une maison. Sitalala ndani ya nyumba. Bien bâti. Alors que l'arche de Dieu est dehors, je dors dans la tente. J'achète des choses pour bâtir la maison de Dieu. Quand Dieu voit ça, wakati Mungu anaona hii, il a me compliqué Mungu. Et ça dérange même Dieu. Il a me compliqué Mungu. Ça dérange Dieu. Dieu vient voir David. Il dit, tu me compliques. Anasema unanizuru hapa. Écoute maintenant. Sikia sasa. Je jure moi en tant que l'Éternel. Na lapa mimi kama Bwana. Le trône. Kiti cha enzi. Ne s'éloignera jamais de toi. Akitatoka kwako. Même quand il y a eu des gaffes. Hata kama kutakuwa mkongo. Dieu a préservé l'essentiel de David. Mungu aliweza kuchunga hata ile na kwa ya Daudi. Il y a des familles. Wapendo kuna kwa machama. Il y a des problèmes. Kuko mambo. Mais akuta Satan mouto tomoye ou la ta sauvé Dina et les familles. Il ne manquera jamais un fils qui peut sauver le nom de la famille. Vous vous demandez comment? Non. Moutadjouli sagisikanya pana. Il est entré dans l'alliance avec Dieu. Ashe kuingia mwagano pamocha na Mungu. Quand Salomon est venu. Wakati Salomon ne ruesa kufika. Salomon a trouvé déjà tout était préparé. Salomon a rikuta yote sha kuandaliwa vizuri. Alanza tu kupakisha. Il a commencé juste à remplir. Tout est préparé. Dieu a préparé. Quand David a voulu bâtir, même Dieu lui a dit non, pas toi, ah, ça pas sera là, ton oui. Fils, mais Dieu s'est rappelé de ça. Mungu aliweza kukumbuka kwa chile ile. Bâtir la maison de Dieu. Kuchenga ekalu ya Mungu. Quelque chose d'extraordinaire. Inakuwa ni kitu kama stajabu. Principe numéro 6. Kanuni ya sita. On a vu Marie. Turimuona Miriam. La prostituée. Kahaba. Mais qui a pris le parfum. Lakini alichukua manukato. D'un grand prix. Ya bei kali kabisa. Frères et sœurs, Ndokonadada, tu sais que dans la vie, unajua mumaisha, tu mets toi-même les limites de là où tu peux arriver financièrement. Ukunajiwekea peke yako mipaka ya pale unaweza kufika mkifedha. Dans la famille, katika chama, personne n'a déjà dépassé $100,000. Hakuna mtu ashakupitisha ka $100,000 ki America. Tu te dis non, moi il faut que je dépasse. Na unasema mimi sharti nipite ile. 10,000, 100,000, 500,000. 500,000. Mais quand tu viens offrir, tu offres 500 francs. Lakini wakati unapenda kutoa ukunaleta kutu 500 francs. Tu auras des problèmes. Utakuwa na tatizo. Tu offres 500 francs pas parce que tu n'as pas. Non, non. Ukunatua 500 francs, haina kusema unanayo hapana. Tu as choisi toi-même, non, non, à l'église, ni bintu, ni ma, bintu biabule, je il faut kupeleka. Uruweza kusema kukanisa, ni bintu biabule, ndio napasha kwenda nabio. Pendant ce temps, il y a des gens. Kwa ile wakati kuna watu. Qui prient pour leur offrande. Oui, qu'on a ombé à sadaka yao. Ce qu'ils vont donner à Dieu. Et qu'on a biba, il est bon, pas chakuleta kwa Mungu. Nous voulons prier. Tunatamani kuomba. Alors, nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Tunapenda Mungu atufanye konema. Ce que tu as entendu et les décisions que tu as prises. C'est un vendredi de prière. Inakuwa ni kazi tano ya maombi. C'est un vendredi de prière. Inakuwa ni kazi tano ya maombi. Si tu veux bâtir, nous allons fixer rendez-vous dimanche, on va prier pour ça. Kama unapenda kujenga, mais si tu as déjà fait et que tu as des problèmes. Kama ushakuifanya kana unakuwa na mambo. Touche. Gusa. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que nous serons en train de prier. Wakati tutaanza kuomba. Si tu as déjà fait quelque chose pour l'église. Kama ushafanya kitu kimoja kwa ajili ya kanisa. Et que tu as encore des problèmes. Na unakuwa tena na matatizo. Touche. Gusa. Touche la chaise. Gusa kiti. Parle à Dieu. Na useme na Mungu. Nous voulons pas seulement parler. Atuwezi tukusema. Nous voulons voir Dieu agir. Tunapenda kumuona Mungu kutenda. Nous voulons voir le Seigneur se lever. Tunapenda kumuona Bwana kusimama. Prends la position qui te convient maintenant. Beba ali ambayo inakuelekea vizuri. Nous voulons prier le Seigneur. Kwa sababu tunapenda kumuomba Bwana. Nous voulons prier le Seigneur. Tunapenda kumuomba Bwana. Nous voulons prier le Seigneur. Tunapenda kumuomba Bwana. Nous voulons prier le Seigneur. Tunapenda kumuomba Bwana. Nous n'avons que toi. Tu peux me chanter Amanda ou moi, je n'ai que toi, Jésus. Nous voulons prier le Seigneur. Tunapenda kuomba Bwana. Wapendwa. Le Seigneur est là. Bwana ni mali hapa. Oh, le Seigneur est là. Bwana ni mali hapa. Le Seigneur est là. Bwana ni mali hapa. Aujourd'hui là, c'est un jour de prière. Leo ni siku ya maombi. Dis-toi Seigneur aujourd'hui. Sema leo Bwana. À cause de ce que j'ai déjà fait ou ce que je vais faire. Kwa ajili tu ambayo nishakufanya kana nini tafanya. Je refuse la mort dans ma vie. Nakatala lufu maisha yangu. Je refuse la mort dans ma maison. Nakatala lufu mu nyumba yangu. Et comme on a dit le mercredi. Nous allons aussi prier pour les jeunes sœurs de l'église. Parce qu'il y a l'ennemi qui veut amener la vie aux jeunes sœurs. C'est mauvais que les jeunes sœurs meurent. Nous allons arrêter cet esprit de mort. Le Seigneur que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Nous n'avons que Jésus. Les autres peuvent se frapper la poitrine. Na ule anaweza kujipika mkifua. À gauche et à droite. Kukume na kushoto. Mais ce soir. Lakini jioni hii. Je déclare. Tunatangaza. Je n'ai que Jésus. Si tuko paka na Yesu. Pour ma vie. Kwa ajili ya maisha yangu. Pour mon avenir. Kwa ajili ya ujio wangu. Pour l'église. Kwa ajili ya kanisa. Pour les enfants. Kwa ajili ya watoto. Je n'ai que Jésus. Tuko paka na Yesu. Rakemos. Hallelujah. Hallelujah. Oui, commence à prier, bien-aimé. Ansa kuomba mpendo. Il est là ce soir. Eko hapa ijioni. Il est là ce soir. Eko hapa ijioni. Hallelujah. Oh, Jesus. Incremos. Hallelujah. Incremos. Hallelujah. Je n'ai que Jésus. Oui, il est là, le Seigneur. Et qu'on va pas boire. Je n'ai Jésus. Jésus existe. Wapendwa bwa Yesu eko hapa. Ce n'est pas une histoire. Aina hadithi hapana. Jésus existe. Yesu eko. Jésus, tu existes. Moi je prie Yesu. Existe. Eko naishi. Tu m'enlèves, je ne verrai plus rien. Les deux disciples de Maïs. Hallelujah. Ils se posaient des questions. Que voilà trois jours. Tout ce qu'on nous a dit, voilà trois ans, quatre ans, cinq ans, six années. Où es-tu, Jésus? Jésus, où es-tu, Jésus? Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu pour ma vie? Jésus, où es-tu pour les vies? Jésus, où es-tu pour mon travail? Sous la terre des hommes, je ne vois que lui. Moi je n'ai que Jésus. Oh, sur la terre. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. Oh, si tu m'enlèves, si tu m'enlèves. Moi sous la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Jésus, il y a un homme qui n'a que Jésus, qui peut prier. Ta prière n'est pas liée à la musique. Mon Dieu veut t'écouter ce soir. Jésus, fais-nous du bien ce soir. Jésus, fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Jésus, fais-nous du bien ce soir. La manikani ane kanuta lege. Rekanta li telegos kamani avele la kit. Rekanu televiale elemente le pasque. Et alu televe. Rekanena, nena, nena. Ramanu teliane legens kaute. Telia cons capata livellemento. Ah, fais-nous du bien ce soir, Jésus. Fais-nous du bien ce soir, Jésus. Fais-nous du bien ce soir, Jésus. Fais-nous du bien ce soir, Jésus. Fais-nous du bien ce soir, Jésus. Fais-nous du bien ce soir, Jésus. Que cette mort, que cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous à surmonter, Seigneur, notre Père. Aide-nous à dépasser nos limites, Père. Aide-nous à surmonter nos pères et ton Dieu de gloire. Pendant que toi tu vois la gloire, nous on voit les dés. Pendant que toi tu vois la gloire, nous on voit une personne, Seigneur, allongée sur terre. Seigneur, aide-nous, Père, à ne pas, Seigneur, nous contenter à ce que nous voyons par nos propres yeux, mais à ce que ton esprit parle à nous et ton Dieu de gloire. Que ce soir, ton Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Dieu de gloire, aide-nous, Saint-Esprit. Ah, ah, ah, ah. Beria, Beria, Beria, Beria, Beria. Amanta le deve. Amanta le vede. Sogenta liga e le mena lusca le deluca. Rocchette le usche te le me. Meme peria cosca uta. Nacusca uve le mesco. E nun elega. Ramanica osco utele. Reperia so umenemente. Recolevanda la rutca le ite. Recansca uta la mano mafia. E da soca. E nite le va usche le. Reparia conta l'utele te. Il y a des gens que Dieu va visiter ce soir en les baptisant du Saint-Esprit. Et il y a des gens que Dieu va visiter ce soir en leur donnant un esprit prophétique. Je prie maintenant. Au nom de Jésus. Je libère. Comme Dieu a dit. Que les sept églises. Que les anges de cette église, maintenant ce soir, au nom de Jésus, je libère la grâce prophétique à ce lieu. Braquez-vous. Oui, sois concentré. Le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Oui, il est en train de toucher quelqu'un. Oui, il y a quatre personnes qui seront visitées. Dieu va les remplir. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est en train de toucher quelqu'un. Nous voulons écouter les directives du Seigneur. Nous sommes en début du mois et le dernier trimestre. Alors je prie que le Saint-Esprit saisisse quelqu'un distinctement. Cher Saint-Esprit. Sois connecté, bien-aimé. Car ce don est pour vous. C'est pour vous, ce n'est pas pour Dieu. Commence à monter en prière. On a une minute encore. On termine dans les 4 minutes. On a quelques minutes. On a 2 minutes. Monte. Oui, ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Touche maintenant. Touche même les malades. Shuka na bumungu bwa kuru mtakatifu. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Est-ce qu'on peut rester calme? Reste seulement calme maintenant. Mais nous allons encore rentrer en prière. Tutaingia na katika maombi. Regarde là où tu n'as pas été en ordre avec le Seigneur. Tazama fasi ambao hukukua katika usawa pamoja na Bwana. Implore la miséricorde de Dieu. Na ulombe ko tu rehema. Le sang de Jésus-Christ. La damu ya Yesu Kristo. Bien-aimés, nos pensées. Wapendo mafikiri yetu. Au-delà même de nos pensées, nos regards, nos gestes. Kuangalia kwetu hata kutenda kwetu. Dieu veut nous visiter. Mungu anapenda kutupegua. Oh, Esaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos péchés. Lakini ni mazambi yetu. Commence à demander pardon, Seigneur. Élève ta voix. Bien-aimé, bougeons avec l'Esprit de Dieu. Sois sincère. Toute l'église, nous sommes en prière. Nous Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Il dit dans Esaïe chapitre 1 verset 18, venez et plaidons ensemble. C'est le moment de plaider avec le Seigneur. Que Dieu fasse grâce. Père, Baba, j'implore ta miséricorde et ta grâce sur toute l'église. Ceux qui sont présents ou absents, souviens-toi de tes bontés, ta miséricorde que tu renouvelles. Merci pour le sang de Jésus qui nous a lavé il y a 2000 ans. Maintenant pardonne-nous, pardonne l'église. L'église et moi-même, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nos paroles ne t'ont pas honoré. Nos pensées ne t'ont pas honoré. Nos actes n'en parlons même pas. Maintenant, nous nous tenons devant ta face. Par ta bonté, éloigne les iniquités de l'église et de nous. Tu nous dis que ta bonté, ta miséricorde est élevée au-dessus des cieux. Merci Seigneur. Je prie pour toute l'église que ta grâce soit sur nous. Je recommande ce moment entre tes mains. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer?